Hello everyone, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Happy Dance 35 qui démarre dans cette semaine où de grands changements arrivent en France avec notamment la fermeture des écoles, lycées, collèges, universités et même les écoles de formation. En tout cas les amis, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Ismaël et on est parti pour cette semaine avec encore un classement, toujours le même, celui des 35 meilleurs tubes EDM de la semaine. On est là donc pour 2 heures presque non-stop. Alors tout de suite, je vais vous parler un petit peu des singles qui nous ont quittés cette semaine. Il y a eu beaucoup de drop-out, c'est-à-dire que beaucoup de singles ont carrément quitté le top 50 EDM et ne font plus partie des meilleurs sons, voilà. Mais en tout cas, il y en a 3 du dernier album de Grimes, à savoir Miss Anthropocene, qui sont toujours en dessous du top 35 et qui nous ont quittés cette semaine. C'est donc 4 AEM, il y a aussi So Heavy I Fell Through the Earth et My Name is Dark, voilà, donc de Grimes qui nous ont quittés cette semaine. Mais bon, on va pas s'arrêter qu'à ces singles qui nous ont quittés, on va aussi parler des nouveaux. Il y en a quelques-uns qui ont fait leur retour voilà, dans le top 35, ça va vous faire plaisir de les réentendre. Il va y avoir totalement du Griffin en 35e position, ça arrivera juste après que j'ai fini de parler tout simplement. Et puis il va y avoir de la nouveauté aussi cette semaine, comme d'hab, avec en 33e place, attention, c'est tout nouveau, c'est de Joel Corey, ça s'appelle Lonely, écoutez cet extrait. Je peux vous le dire, je l'ai écouté en entier tout à l'heure et le single, il pète le feu, ça donne envie de faire la fête. Alors, restez avec moi dans Happy Dance 35 puisque ça arrive tout à l'heure. Et puis, il y aura aussi Disclosure avec son nouveau single qui s'appelle Ecstasy et ça va vous faire Ecstasy. Très peu de paroles, mais très enivrant comme single. Allez, ça arrive, juste après Need Your Love de Griffin et les Seven Lions dans Happy Dance 35. Bienvenue les amis, et c'est parti pour 2 heures de son, presque non-stop. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 35. Under my skin. Deep, I don't even know. Tried everything, but I don't anymore. Realizing, shouldn't have let you go. Shouldn't have let you go. Hardest part is knowing that I had it. Something almost perfect. We were almost perfect. Maybe it's too late for me to save this, but I gotta face this. No matter. Around. I just wanna fall again, 'cause I'm in a place. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 34. Et voilà, à l'instant pour bien démarrer l'émission 2 cette semaine dans Happy Dance 35, c'était une nouveauté, Ecstasy de Disclosure, qui j'espère vous aura bien fait extasier en ce début d'émission. Tout de suite, on continue avec plus de nouveautés, c'est Lonely de Joel Corey qui fait son entrée dans le top 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 33. It's over, now you wanna come back. So take your hand off my shoulder. This time it's not like that, 'cause I know where your heart's at. I know you like to be alone, but hey. Just because you're lonely don't mean that you can play with my heart, booty. On My Mind de Diplo et Side Piece qui perd deux places cette semaine. Ça sera le numéro 30 et ça arrivera eh bien, juste après ce single qui lui arrive d'ici quelques instants. C'est Jack Jones et Al Anderson sur This Is Real qui est numéro 31 de la semaine. Deux heures de meilleure hit musique et dance électro, c'est maintenant dans Happy Dance 35. Hit numéro 31. Got vertigo falling down, 'cause you're going to my head. Can I recognize the sound? 30.

Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Happy Dance 35. 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Les amis, c'est toujours Happy Dance 35 que vous écoutez sur votre radio préférée. Et bien évidemment, je suis toujours là, moi aussi présent, pour vous accompagner. Je parle bien évidemment de Ismaël. C'est un peu bizarre de parler comme ça de soi, mais bon, on va faire outre. Et puis les amis, n'oubliez pas de vous abonner aux réseaux sociaux en ce qui concerne l'émission Happy Dance 35. Hein. Vous tapez sur Twitter Happy Dance 35 EDM ou Happy Dance 35, vous me trouverez. Et pareil sur Facebook. D'ailleurs sur Facebook, je vous ai mis pas mal de news là cette semaine, puisqu'on peut écrire un petit peu plus que sur Twitter. Voilà, Twitter c'est pour tweeter comme on dit. En tout cas, j'ai Facebooké pas mal cette semaine. Et voilà, je voulais annoncer, Grimes est toujours présente dans le classement, mais seulement avec 3 singles cette semaine, dont un qu'on a écouté tout à l'heure, puisque c'était le numéro 32, c'était Violence qu'on a écouté. N'oubliez pas aussi que vous pouvez réécouter chaque semaine les émissions gratuitement en podcast depuis le site happydance35.lepodcast.fr. Voilà, c'est aussi sur les plateformes de streaming comme Spotify, Deezer et iTunes. Mais c'est pas tout aussi, cette semaine, les amis, je vous le redis, il y a du changement dans le top 3, avec un tout nouveau single qui est venu... bien piquer une place tout tranquillement. Franchement, en plus, le single il pète le feu. On en a déjà écouté pas mal qui pète le feu, mais ça sera tout à l'heure en tout cas qu'on découvrira eh bien si c'est le numéro 1, le numéro 2 ou le numéro 3 qui a perdu sa place. En attendant, eh bien c'est parti pour écouter plus de musique, puisque d'ici quelques minutes il y aura encore une nouveauté et c'est la dernière en ce qui concerne le DJ Disclosure. C'est Tondo, écoutez cet extrait. Ça sent le funk, la soul, ça donne envie de danser et bouger, ça arrive tout à l'heure. Donc Tondo, c'est pas tout, il y aura aussi You Will Miss Me When I'm Not Around the Grimes. Et puis Nights Like This, c'est une nouveauté des Lord Luxury et Sid, écoutez ça. Et bah cette nouveauté, elle arrive juste après In Your Eyes de Robin Schulz, que vous connaissez bien. C'est le numéro 27 de cette semaine et qui a pris du galon en gagnant 8 places. Hit numéro 27. Hearing whispers in the night, voices filling up your mind. You're like a ghost of you. You've been drowning in the rain, slowly saving up the pain. So deep inside of you, see the colors of the sky slowly turn from black and white. A rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. 'Cause I can hear the thunder from afar, a lightning in the dark. Feel the fire come alive. So calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. In your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. In your eyes. Oh, I can see the fire in your eyes. You felt that burning flame. You're chasing stars alive. What was broken's left behind. Watch it crumble in the light. Nothing can stop you now. See the colors of the sky slowly turn from black and white. Rising hope, bright as gold. And now there's nothing left to lose, so we're breaking all the rules. And they don't know what we know. But I can hear thunder from afar, a lightning in the dark. I can feel the fire come alive. So calm before the storm, so dark before the dawn. Oh, I can see the fire in your eyes. We'll be right back.

Missing Me When I'm Not Around, c'était le single eh bien, à l'instant de Grimes. On continue tout de suite avec la nouveauté que je vous avais dit qui arriverait. C'est la dernière en ce qui concerne donc le DJ Disclosure, c'est Tando et c'est dès à présent dans Happy Dance 35. Nouvelle entrée dans le top 35. Hit numéro 24. Tando à l'instant, c'est donc le single signé des deux frères qui s'appellent, si vous le savez, tout simplement Guy et Howard Lawrence. Ils sont britanniques. Ensemble, ils forment le groupe Disclosure. Voilà, j'appelle ça un DJ personnellement, même s'ils sont deux, donc des DJ. Mais enfin bref, superbe single. Et si vous vous souvenez, en 2013, ils avaient sorti un single qui s'appelle White Noise, qui s'était d'ailleurs classé numéro 2 des charts, eh bien, tout simplement britanniques. Et puis, il y a bien évidemment aussi You and Me de Disclosure, qui a été remixé par Flume et qui a été un carton mondial. Mais bon, ça, c'est une autre histoire et un autre DJ. En attendant, on continue toujours avec bien plus de musique dans Happy Dance 35. Puisque ce qui arrive d'ici quelques minutes, ça va être I Feel Love de Sam Smith. On aura aussi Purple Hat de Sophie Tucker et Therapy de Duc Dumont, qui arrive donc juste après Did It Forever de Grimes. Avec Gismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 23. I don't know.

people on the people, people dancing on the people with the people on the. Purple Hat à l'instant du duo germano-américain, c'était Sophie Tucker, numéro 21 de cette semaine. On continue avec tout à l'heure Body Bag de Griffin et Maya Wright, mais dès à présent c'est I Feel Love de Sam Smith pour plus d'amour dans Happy Dance 35. Beat numéro 20. C'est maintenant dans Happy Dance 35. Les amis, ça fait une heure que nous sommes ensemble et j'espère que vous aurez ressenti l'amour que Sam Smith a partagé avec nous avec son superbe single I Feel Love, classé numéro 20 cette semaine et qui a donc gagné, attention tout de même, 4 places. J'espère en tout cas que vous allez bien. On va continuer avec bien sûr plus de musique. Tout à l'heure, on aura You Broke My Heart Again de Tekoi et Aiko, toujours dans ce classement et qui a perdu eh bien 5 positions puisqu'il est numéro 16. On aura aussi Martin Garrix avec Used to Love. Écoutez ça. J'ai envie de dire que Used to Love est devenu un classique, et bien depuis 2019 et 2020, à écouter sans remords et sans relâche. On aura aussi Forever Yours de Kaigo en tribute à Avicii. Voilà, le regretté Avicii, je pense que je vais pas vous le répéter toutes les semaines, mais nous manque terriblement. Et je suis super content que Kaigo ait fait eh bien, cette musique en hommage à Avicii avec Sandro Cavazza, qui est numéro 18. Et puis tout de suite, ce qui arrive, allez, c'est Body Back de Griffin. Beat numéro 19. Who cares what the world's gonna say? Cause you know they're gonna say it anyway. Who cares if they laugh at what we do? Cause it's only me and you that know the truth. Middle finger to the sky, they don't know about you and I. We've been rolling deeper than they'll ever know. Even though I broke your heart, no, that won't keep us apart. Baby, I know, not giving you up. If you want my love, then you got anytime you want. Thinking of you

Martin Garrix est le DJ le plus jeune à avoir été classé numéro 1 dans le DJ Mag de ces dernières années. Et ça tombe bien puisqu'on a écouté à l'instant Used to Love, une chanson où il est en feat avec Dean Lewis, hein, donc en featuring avec un très bon chanteur. Classé numéro 17 cette semaine et la semaine dernière, pas de changement, mais toujours aussi bon à écouter et surtout découvrir dans Happy Dance 35 si c'est votre première fois. Moi les amis, c'est toujours Ismaël. On va continuer avec cette fois-ci un DJ japonais que vous connaissez, hein. Ça fait quand même actuellement 5 semaines qu'il est dans le top 35, il oscille dans les places entre 16e, 15e, 11e, 10e, c'est Tekkoi avec Aiko sur You Broke My Heart Again, donc le numéro 16 de cette semaine. Hit numéro 16. Magnifique single à l'instant du DJ japonais Tekkoi en featuring avec Aiko pour ce single qui s'appelle You Broke My Heart Again. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est très rare de découvrir un DJ voilà, dans les meilleurs charts US, hein, donc qui nous viennent tout le droit des États-Unis. Et puis bah, lui, il est là depuis plusieurs semaines, 5 semaines, et nous fait toujours autant kiffer. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'adore cette chanson. Alors certes, c'est triste, hein, ça parle voilà, d'un cœur brisé à nouveau, hein, parce que c'est Again, mais bon... Franchement, la musique, il n'y a rien de mieux pour nous faire eh ben, souffrir ou tout simplement nous faire kiffer, bien sûr. Allez, on continue dans Happiness 35 avec plus de sons, puisque ce qui arrive, eh ben, c'est Martin Garrix avec Drone. C'est une nouveauté, écoutez ça. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. Je vous parlais que Martin Garrix était le DJ numéro 1 dans le DJ Mag il y a quelques années. Et oui, c'est vrai, c'est le plus jeune. Et puis ce qui arrive, il va y avoir aussi, attention, du Marshmello. Mais là, je sais pas ce qui s'est passé. Quand on passe de Happier à Crusade, vous allez découvrir ça si c'est la première fois pour vous, comme pour moi, cette semaine. C'est une tuerie. Eh oui, c'est bien Marshmello là que l'on entend en petit extrait, ça arrive juste après. Et eh ben, pas mal de singles puisqu'il y aura aussi Alan Walker. Plus besoin de vous présenter Alone Party 2 de Alan Walker avec Avamax. Et tout de suite dans PNS 35, c'est le numéro 15 que l'on écoute, Faith de Galantis avec Dolly Parton et Mr. Probs. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Hit numéro 15. No, the road gets hard. And you just wanna leave. I ain't never too far. Just have a little faith in me. When all the fears you have. I'll be standing by your side. Just have a little faith in me. Have a little faith in me.

entrée dans le top 35. Beat numéro 12. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. I know better than I want you, but I succumb to you without a doubt. Now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Close to you. Around. No point trying to make it out now. Rather be sinking than go without. And now the water is rising and I'm too tired to swim, and my lungs just can't take it, but I keep breathing you in. So tell me lies, tell me painted truths, anything at all to keep me close to you. Pull me under the way you do. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Ooh, anything at all to keep me close to you. À l'instant de Martin Garrix et Clinton Kane, à suivre ses Family des Chainsmokers avec Kaigo. Beat numéro 11. I know water that's thicker than blood, that's deeper than love with my friends. People come and some people go and some people ride to the end. When I am blind, in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run together, they're my family. When I get up, they gon' be high with me. I'll say forever my change. Now we're grown, we're still young, still got our mindless ways in a timeless phase, kicking songs. When I am blind in my mind, I swear they'd be my rescue, my lifeline. I don't know what I'd do if I'd survive. My brothers and my sisters in my life. Yeah, I know some people, they would die for me. We run to

Sometimes good things fall apart. Overthinking's got me drinking, messing. Sometimes good things fall apart. Hit numéro 6. Why do I feel like I'm drowning? Like I'm running out of air. Why do I feel like I'm falling? When I'm nowhere near the edge, just let me know. Can you be the one to hold and not let me go? I need to know. Could you be the one to call when I lose control? Restez bien dans Happy Dance 35, les amis, puisqu'on se rapproche inlassablement du top 5 des meilleurs hits de cette semaine et de la nouveauté qui est venue prendre, je vous le dis tout de suite, directement la première place pour sa première semaine dans le top 50 des meilleures musiques de la semaine EDM. Ce sera Lady Gaga tout à l'heure avec Stupid Love Number 1, mais pour l'instant, restez bien, puisque juste après ce qui arrive, eh ben, c'est DJ Regard avec Ride It, suivi de Higher Love, Happier et Rhythmo. Avec Ismaël, vous écoutez Happy Dance 35. Happy Dance 35, 2 heures de musique dance électro non-stop avec Ismaël. Hit numéro 5. Say you're so from Saturday. You're acting like a diva, saying you don't wanna pay. It's gotta be feisty style, raise that round. I love it when you look at me that way. Now we're in your border, a mojito at the bar. Reapply your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Bye.

Les amis, l'émission vient de toucher, eh bien, à sa fin. C'était bien évidemment, à l'instant, le titre numéro 1 de la semaine pour la première fois et aussi pour la première fois dans le top 35 et 50. Lady Gaga qui arrive comme ça au calme, voilà, la princesse de la pop. C'était Stupid Love qui peut-être, eh bien, restera encore en course la semaine prochaine, toujours dans le top 3. À voir, parce que quand même, on a délogé là actuellement les Black Eyed Peas et J Balvin, on a délogé Marshmello et Bastille, et surtout I Girl Love de Kygo et Whitney Houston. Franchement, c'est trois gros bonnets. Je pense qu'ils vont se battre pour regagner eh bien, leurs droits et leurs places respectives qui étaient numéro 1, 2 et 3. En attendant, j'espère que vous avez passé une superbe émission. N'oubliez pas d'aller vous abonner aux réseaux sociaux de la page, notamment Facebook et Twitter de l'émission. Voilà, c'est HappyDance35. D'ailleurs, n'oubliez pas aussi que quand vous allez sur le site internet de l'émission, à savoir HappyDance35.lepodcast.fr, vous pouvez vous abonner directement pour recevoir les dernières news dès que l'émission et surtout le podcast est disponible en ligne. Alors généralement c'est tous les vendredis soirs, voilà, vous pouvez réécouter comme ça les émissions autant que vous voulez et vous pouvez même les télécharger gratuitement. Sur ce les amis, faites bien attention à vous, prenez soin de vous, n'oubliez pas de vous laver les mains régulièrement, de ne pas trop sortir de chez vous et d'éviter tous les regroupements de plus de 100 personnes et même moins, voilà, parce que vous le savez, on est en période de coronavirus. Sur ce, je vous souhaite à tous eh bien, une très bonne santé, une très bonne fin d'émission. Ciao bye bye, c'était Ismaël au micro et à la semaine prochaine pour de nouvelles émissions et surtout un nouveau classement.